Le conseil permanent de l'Association des commerçants et industriels coréens au Japon, le présidium du comité central de l'Union de la jeunesse coréenne au Japon, le présidium du comité central de l'Union démocratique des femmes coréennes au Japon et autres formations centrales, les organisations et entreprises comme le journal Chosun Shimbo, les directions locales de l'Association générale des coréens récents au Japon, Songyeon, et l'université coréenne ont fait parvenir les messages de félicitations au maréchal Kim Jong-un pour sa promotion au poste de président du comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée. En signe de la fidélité invariable de tous les cadres et compatriotes de la Chongyeon, les destinataires lui ont adressé la gloire suprême et les félicitations les plus chaleureuses pour sa promotion au poste de président du comité des affaires d'État de la République lors de la 4e session de la 13e législature de l'Assemblée populaire suprême. Ils ont noté qu'ils accompliront parfaitement 5 grandes tâches précisées dans la lettre de valeur de guide du maréchal Kim Jong-un en partageant le cœur avec le peuple de la patrie qui s'est engagé dans la marche révolutionnaire pour appliquer la décision du 7e congrès du Parti du Travail de Corée et manifesteront plus vigoureusement dans le monde le prestige de la Chongyeon développée dans l'affection des grands leaders. Ils ont exprimé la volonté de contribuer particulièrement à la lutte pour remodeler le destin indépendant de la nation et ouvrir un avenir radieux de la réunification et de la prospérité en suivant la ligne et l'orientation originale en matière de réunification de la patrie précisée par le maréchal Kim Jong-un.